bonsoir. Je vous invite à regarder ensemble pour la rénovation de nos églises, puisque en ce moment, les activistes à Marseille taguent et modifient beaucoup cette affiche, parce qu'elle a vraiment pignon sur rue sur l'avenue principale de la Canebière. Et du coup, ensemble pour la rénovation, alors de nos églises change pas mal, et ensemble pour la rénovation. Donc il y a eu de nos écoles parce que la municipalité n'investit pas dans les écoles publiques. À part, et du coup, voilà, c'est un petit peu. Et puis récemment, plus politiquement, parce que voilà, ni seigneur ni vassal. Et ça, c'est après, excellent. Et parce que une des candidates pour la mairie de Marseille s'appelle Vassal, celle qui représente la droite. Et du coup, là, c'était, vous voyez le jeu de mots, ni seigneur, ni vassal. Là, je ne préciserai pas plus. On va dire que c'est une des représentations. Bien sûr, pas de politique. Si on revient ici après. Le nom de pronom ici ? Non. On repasse par là, avant la plaine ? Je ne sais pas. Comment ? J'arrive pas à mettre de il faudrait qu'après. Si on repasse là, on va faire tout. On va prendre un Wolf Cross, on va faire un Wolf Cross. C'est la date pour On va enquêter. Et ce qui est, ouais, qui était marrant, c'est comment ils ont détourné l'affiche, c'est qu'ils ont découpé la toile, ils ont écrit derrière, et ensuite, quand la toile tombait, ça faisait un texte derrière, on passe à côté, on le voit encore en transparence. C'est 2709, c'est pas 2700, c'est 2709, je pense. C'est peut-être la date de fin des travaux. L'effondrement de neuf. Bon. C'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. Si. C'est ok. On est tous là. Oui. Il y a Frédéric sous le plaque, on voit pas. Ah mais c'est normal. Frédéric il devait ou il y a pas. Ben je sais pas. Ils sont amenés. Alima non plus, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas. Elle n'est pas. D'accord. Mais Fred, on peut continuer à communiquer avec vous par un compte de place. Ouais, oui, bonne rejoindre. Tout le monde parle français. Plus ou moins. Il y a, voilà. Peut traduire en anglais. Ah oui. Voilà. Oui. D'accord. Ah, on a des gens qui vont nous rejoindre, sûrement. Dites-leur qu'on va passer au pied des escaliers de la gare. Oui. Technique, des noix, tout ça, c'est dur. Hein.